aujourd'hui. Les loups, non, c'est les rats. C'est les rats. T'en fais surtout pas. Il s'en vient. Je le savais. Aujourd'hui, le lundi 1er janvier 2018, les fanatiques de Pierre. Oui. Non. Mademoiselle, retenez-vous, c'est Rénal. Pierre ramasse la mousse. Hello? Elle est hystérique. Pépé sans sa guitare. Oh. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, le lundi 1er janvier 2017, monte. Monte le volume. Et surtout, hume la différence. Carla, là. Non, je ne suis pas... Non, je ne suis pas bruni, Carla. Carla. C'est parti, mon kiki! Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Ça promet. Aujourd'hui, le lundi 1er janvier, monte le volume et hume la différence. C'est parti. Baisse un peu parce que, oui, mais montez le volume. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Merci à tous! Merci à tous! Merci à tous! Et on va faire entrer le soleil, même si c'est le début de la nuit. Laissez entrer le soleil, laissez. Para de rimos machê, se macama com sabura. Es vida só piensta viver. Para de rimos machê, se macama com sabura. Angola, angola, oi, força. A minha escata mata, bem coara para manhã caminho. Angola, angola, oi, força. A minha escata mata. Vem voar pra manhã caminho. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, força. Caminhos catamata. Vem voar pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, força. Pra mim é os catamata. Bem com hora pra manhã caminho. Paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, força. A minha oscata mata, bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha oscata mata. Vem com hora pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha oscata mata. Vem com hora pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha oscata mata. Vem com hora pra manhã caminho. Nous voilà revenus du Cap-Vert. Certains et certaines, bien sûr, ont des rages de sucre, hein? Ont des rages de croustilles, ont des rages de maïs soufflé, ont des rages de passion. Moi, j'ai une rage de Gainsbourg. Oh yeah, zig zig avec toi. On revient et puis on va te délirer, faites-vous-en pas. Zig zig avec toi. Et lorsque ton corps zigzague, oh yeah. Zig zig, toi et moi, zig zig, quel est moi. Oh. Zig zig, oui je t'aime, j'aime ton petit corps. Suis la musique, mon amant. Zig zig, toi et moi, zig zig, quel est moi. Zig zig-zig. Je vois grand. Oui. N'est-ce pas que je suis un bon zig-zig. C'est pour toi. Zig-zig. Que des mois, un, deux, trois, quatre. Pic-pic. Mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Allez, fais-le. Zig-zig. C'est pour toi. Zig-zig. Quel est moi. Et allez l'orchestre. Oh yeah. Lorsque ton corps zigzague, zigzig, toi et moi, zigzig, quel est moi, zigzig, oui je t'aime, j'aime tes petits simplement, zigzig, toi et moi, zigzig, quel est moi, big big, je vois grand. N'est-ce pas que je suis un bon zèbre? Big big, c'est pour toi. Big big, que des moi. Big big, mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Big big, c'est pour toi. Big big, que des moi. Et tout le monde chante. Bon, comment ça va, vous autres? Non, non, on s'est arrêté. On voulait juste s'exciter un peu le tympan. À la radio, là, c'est plus simple de s'exciter. À la télévision, on doit faire des trucs pour pouvoir tenir l'auditeur, l'auditrice en haleine. Mais comme il y a deux façons de voir la réalité, il y en a plusieurs. Non, non. Tu comptes un genre. C'est vrai, je compte un genre. Tu comptes un genre. Tu comptes trop, toi. Mais compte pas sur moi, hein. Parce que les idioties que tu diras. Oh! C'est déjà pas très gentil. Non, mais dans la vie, je me suis toujours dit, ne sois pas gentil, mais dis la vérité, ta vérité. Oh! C'est intéressant, là. Il n'y a pas une vérité. Il y a la vérité d'une personne. D'un groupe de personnes ou d'une société. Ben, où tu le places le point, là, parce qu'on attendait autre chose. Ouais, je sais. On voulait la chute. J'ai lu récemment, pour faire une bonne émission de radio, il ne faut pas suivre mes directives. Comment ça sautille dans mon tympan? Est-ce que c'est les écouteurs ou si c'est la console qui me quitte? Ne me quitte pas, je vais te fermer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir une console en branchant des fils d'une plus haute qualité. Non, mais écoutez, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On va faire comme on enchante, là, les Africains font ça. Comment t'appelles ça? Des incantations. Ou non, il y a aussi les Arabes qui font ça. Ne me quitte pas. Ah, mais c'est pas... voyons donc, toi, Enrico Macias qui fait ça. Oui, mais la majorité des grands font des incantations. Ne me quitte pas. T'as-tu les bonjours, oui? Ne me quitte pas. Ça sonne pas, ces bonjours-là. Je vais retourner ça, mais ça fait déjà un an que je les ai. Ne me quitte. C'est plus sa garantie. Mais c'est comme moi. Moi, je ne suis plus sur la garantie. Ne me quitte pas. Non, c'est sans doute le fil de mes écouteurs. Ne me quitte pas. On a vu déjà la fin. On voit les danseuses là, de nombril qui font le mango. Là. Sans le mango. Sans le mango. Et puis sinon, moi, j'ai pris le tournant vers la gauche. Et puis, non, mais j'avais... Quand j'ai roulé, le chemin était droit. Par la suite, il y avait deux courbes à suivre. Ben, en fait, je devais en prendre une des deux parce que mes roues ne peuvent pas s'écarter pour emprunter les deux puis moi rester dans le milieu, là. Peut-être dans les bandes dessinées. C'est pour ça que c'est intéressant les bandes dessinées parce que on peut divaguer. Mais même dans ma tête, je peux divaguer. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent maintenant, là, à l'heure où l'on se parle, à l'heure actuelle. T'as-tu l'heure actuelle? Oui. Mais mon heure actuelle, et il est tannant avec ça, il est en merde. C'est un emmerdeur. Ah, je suis un emmerdeur de première, moi. As-tu vu l'emmerdeur avec Jacques Baudel puis Lino Bandura? Et puis, donc, c'est ça. Alors, j'avais le choix. Et j'étais sur la route. Sur la route. Chanson de Pierre Flynn. Excellente chanson. Fin des années 80. Sur la route, il me semble. Sur la route. Lui, il faisait octobre. Il faisait octobre, lui. Tout le mois d'octobre, c'était Pierre Flynn, lui. Puis encore aujourd'hui, en 2018, il me l'a dit, je vais tenir comme le brancard du mois d'octobre au-dessus de mes bras. Mon ami Pierre Flynn. Attends un peu, là. On a remarqué depuis quelques années. Oh non! Oui, on vous connaît, on vous reconnaît. Ah, ça, c'est mauvais. C'est très mauvais pour votre. Pour votre. Bon. Et puis les autres. Ah, les autres aussi, mais on a appris que vous disiez de plusieurs personnes que vous étiez leur ami. Oui. Et je tiens à vous dire, mon cher M. Grenier, qu'il en est rien. De un, c'est pas M. Grenier. On le sait que vous n'êtes pas M. Grenier, mais il en est rien. Il en est rien. Rien de rien, il n'y a rien de rien, vous n'avez pas d'amis. Bon, ah ben c'est bien ça pour les anniversaires. Ouais. Pour les fêtes. Ouais. Pour les occasions. Ouais. Vous êtes seul, vous n'avez aucun clan, vous faites partie d'aucune organisation. Vous êtes membre, oui, vous êtes membre de certaines dans certains regroupements. Mais vous ne faites pas partie de la clique. Hey, ça fait du bien à savoir. Ça, là, je suis très heureux de faire partie d'aucune clique. Mais en même temps, vous n'avez pas d'amis. OK. Alors, quand je dis mon ami Pierre Flynn... Non, vous connaissez Pierre Flynn? Ben oui, je le connais. C'est un grand chanteur, un poète de notre époque, un homme qui m'a accroché dès ses premières mélopées. Wow! Et puis? Et puis quoi? Et puis lui, est-ce qu'il vous connaît? Il m'a connu. Jadis, il m'a connu. Oh, alors vous voulez nous dévoiler quelque chose? Oui, moi, j'ai aucun problème à dévoiler, moi, là. On va regarder en dessous du voilage. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du voilage, mon Rénal? Vas-tu nous le dire? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du voilage? Oui, on va. Mais attendez, là. Prenez votre siège en patience. Prenez ça Liez-vous à mon diapason cérébral. Eh, mon dos, c'est pas... Il y a de la vie là-dedans? Non, si peu. Si peu, c'est comme... Moi, on m'a placé un pacemaker majeur, parce que mineur, on n'a pas le droit. On se fait arrêter par la police. Donc, un spasme majeur pour pouvoir pomper et donner plus de... Oui, de rebondissement, exactement. C'est comme des films quand, tu sais, tu vas voir un film d'action, il n'y a pas d'action. Il y a juste du discours. Puis au Québec, on dit, il y a juste du parlage. Au Québec, là, monsieur tout le monde, parle pas de discours, là. Discours, c'est un premier ministre qui fait ça. Discours, ça, c'est la sainteté Jean-Paul Béziers. Jean-Paul, c'est plus Jean-Paul, c'est Jean-Sébastien Bach. C'est qui, non? Le papal, le grand papou actuellement. Donnez-moi la vibration du papou. C'est qui le papou? Avez-vous le papou en note, non? Eh oui, il faudrait que je me retourne parce que mon ordinateur, comme j'ai une intelligence assez limitée, et surtout des yeux en avant, pas en arrière de la tête. Il y a une expression, j'ai pas les yeux en arrière de la tête. C'est ça l'expression? Ben, je peux pas aller voir parce que... Je suis en avant, moi. Et puis, il faudrait que je me tourne. Et si je me tourne, écoutez, vous ne m'entendrez plus. Puis, l'intérêt, là, ça risque de prendre au moins une minute pour savoir qui est le papou actuellement. Puis, en plus, qui s'intéresse? Qui s'intéresse, le papou? Qui est le papou? Le papou, c'est nous. Bon. Hein? Chacun a sa croyance. Bon, moi, je crois à mes divinités. La divinité très mollassonne. Ah, moi, c'est mollassonne. C'est presque liquide. Mais, tu prends mes croyances, puis ça glisse comme sur le dos d'un renard. Le renard mal léché. Puis pourquoi je prends le renard mal léché? Parce que j'adore le fromage. Oh, hey! Il voit le corbeau, là, tu sais. Le corbeau, là, puis qui s'imagine être le plus intelligent là, entre les deux. Là. Il regarde, parce que c'est un rusé, le renard, comme tous les renards. Et il lui lâche un regard, oh, mon dieu, il le regarde le relâche, puis il était relâché, là. Il avait les yeux qui tombaient dans la graisse de bine. Deux œufs, bacon, laitue, mayonnaise. C'est mayonnaise dans le poêle qui ne fonctionne pas, hein? Essayez pas ça. J'ai déjà essayé, moi. Tout ce que je vous dis, je l'ai essayé. Ah, je suis un expérimentateur. Inexpérimenté. Essayez de trouver des expérimenteurs inexpérimentés. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Au moins, à CKRL actuellement. On est encore à CKRL, oui? Parce que non, mais on change, nous autres. Là. On bouge. Hein? On était, le moment donné, le samedi de 16 à 18. Après ça, on s'est rendu le jeudi de minuit, de 23h59 jusqu'à 2h. Après ça, on s'est relocalisé le lundi à l'heure où on se parle, de dimanche 23h59 à lundi 2h du matin. Alors, on est très... On ne sait plus, là. On est encore assez cohérent. Bon, OK. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le corbeau... Corbeau, il y avait un fromage. Mais là, le renard ne savait pas quelle sorte de fromage. Est-ce que c'est un fromage en tranche, tu sais, tranché? Est-ce que c'est un fromage de haut niveau, de haut calibre? Quelle sorte? Mais comme il y avait une faim de loup. Oh, le renard avait une faim de loup? Ben voyons, c'est normal que... Et là, il examine, il me faisait juste regarder le bec. Puis en zoomant, en faisant une... oui, exactement, comment on appelle... en zoomé, en agrandissant, excusez-moi, oui. Hey, la loi 101, Bill 22, wow! En agrandissant sur le bec, il tenta de connaître l'origine du fromage. Puis là, dans sa tête de renard, il se disait, « Ordinateur! » dans sa tête. Ordinateur, peux-tu, s'il te plaît, lorsque je vais agrandir sur le bec du corbeau, me dire quelle sorte de fromage que c'est, parce que toi, tu les connais tous, tu as une connaissance de tous les fromages. Et puis, donc, c'est pour ça que ça, tu sens bizarre, toi. Une senteur étrange venue d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais pas te le dire aujourd'hui, mais j'ai déjà commencé. Donc, je m'avance sans me reculer. Et reculer en arrière, s'il vous plaît. C'est plein ici. Reculer en arrière, reculer. Reculer en arrière, renverser en avant, tourner votre place. Hein? Trouver votre place dans la société, c'est déjà beaucoup. Pas si facile que ça. Bon. Grande image, oui, exactement. Panorama HD sur le bec et le fromage. Le renard essaye de visualiser pour donner au cerveau le plus d'informations possible pour qu'il puisse sortir la fiche signalétique de ce qu'il voit dans son bec. Et puis là, c'est pas facile là, pour le cerveau là, de chercher. Fait que là, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait, tu penses? Excuse-moi de tutoyer public, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon ami, le cerveau? Il appelle l'hamster. Il dit, hamster, tourne. Puis si tu tournes pas assez vite, invite des amis, là, hamster, pour aller plus rapidement. Parce que lui, il va avoir les informations là, maintenant, et sur le champ. Puis en même temps, le renard est sur le champ, tout le monde est sur le champ, puis moi, je suis prêt à lui dire, mais il y en a-tu des sortes de fromage? Fait que, ah oui, la couleur, on peut pas savoir la senteur, OK? Donc, il y a la couleur, il y a aussi la pigmentation du fromage. Puis, quelque chose de très important, c'est la texture. La texture, bon, vous allez me dire, si vous ne l'avez pas en bouche, on ne peut pas savoir la texture. Ben voyons donc, sur une facture, on va mettre la texture, hein? Plus la texture est fine, plus la facture est élevée. Puis, pour les gens qui ne croient pas à ça, ben ils sont surpris. Hey, voyons donc, c'est de la dentelle, mais moi, je pensais que c'était de la dentelle de Limoilou. Mais c'est de la dentelle de Sibérie, ça. Mais c'est pas parce que Limoilou fait pas de la belle dentelle, mais c'est régional. Quand c'est régional, c'est moins cher. Quand ça vient d'ailleurs, c'est plus cher. La dentelle que je croyais n'est pas ce que j'ai acheté. Alors, je refuse l'achat. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est que le fromage, on doit la texture, on peut la savoir, la texture. Bon, c'est ça que je veux dire. Et puis, donc, agrandissez. Hamster tourné, puis évaluation, faites-vous. Merci. Fait que là, le renard, qui était un peu fébrile, oui, voulait avoir l'information là maintenant. On aurait pu. Dis-moi. Et là, le cerveau vient d'avoir toutes les informations. Puis il dit au renard, tu vas être fier de moi! Monsieur, tu vas te faire de moi! Et là, le renard dans sa tête dit, ah ouais, dis-moi le. Ouais, on va te le dire, on sait tout! Et fais-lui cracher le morceau parce que c'est du fromage, mon ami, de l'île aux grues. Là, le renard qui vient, bien sûr, d'Halifax, ça demande, où est l'île aux grues? Moi, je suis d'Halifax, pas de l'île aux grues. Ben, l'île aux grues, c'est au Québec! C'est du riz aux pelles de l'île aux grues. Si tu ne connais pas le riz aux pelles de l'île aux grues, fais-lui tomber le morceau de fromage. Puis encore là, sois quand même heureux parce que c'est du fromage au babeurre. Hein? C'est crémeux. Mais comme lui, il l'a pris dans une tranche très épaisse, ça ne glisse pas encore. Mais tu laisses 15 minutes là, à la température de la pièce, tu places ça sur une bonne baguette et... tu vas vivre un moment extraordinaire dans ton existence. Puis si c'est en 2018, tant mieux. Ça peut être le premier événement extraordinaire que tu pourrais vivre si tu arrives à le décrocher, le fromage. Fait que là, le renard est excité. Il dit, le cerveau, il ne sait plus où aller. Puis, c'est merveilleux. Déjà là, Riopelle, ça me dit quelque chose. Le cerveau dit, ah non, pas encore d'autres informations. Ben oui, Réopel, c'est un peintre québécois, le plus reconnu mondialement. Puis bon, on lui a octroyé un fromage à sa mesure et à sa démesure qui s'appelle le Réopel. Donc, je te conseille fortement, depuis je te le dis, hein, depuis de 3 minutes et demie, de le décrocher. Puis de le laisser quelques minutes en dehors de, hein, pour le laisser, bon, tu mets ça sur un, même un craquelin, si t'as pas de, as-tu une baguette? T'as pas un français dans le coin, non? OK, pas une baguette, non, prends une feuille morte. Mais d'autres qualités, moi, je te conseille l'érable du Québec. Ah, oh, c'est merveilleux, surtout en automne, là. Oui, je sais qu'on n'est pas en automne, mais il reste encore des... Arrêtons de m'insulter. Ou un craquelin. Trouve un craquelin là, qui va se promener dans la forêt. Il y en a plein de craquelins, là. On en connaît? Qui dans sa famille n'a pas un craquelin? Je voulais pas te le dire, là, mais... Tu sais, ton frère, là, il est pas mal craquelin. Là. On sait plus quoi faire avec. Il travaille pas. Il n'y a pas de vision de la vie. C'est plus quoi faire. En fait, il n'y a jamais su quoi faire. Il n'y a qu'une passion. Il n'y a pas de passion. Il est là, il est assis, puis il attend. Il attend quoi? C'est un vrai craquelin. C'est un craquelin. Il y a quelqu'un qui a mis au monde un craquelin. Dans toute la famille, chaque famille a son craquelin. Envoyez-moi les noms des craquelins que vous connaissez. Rénal Québec a commencé à l'Omni.com. Rénal Québec a commencé à l'Omni.com. C'est pas compliqué. Rénal Québec, R-A-Y-N-A-L-D, à commercial, hotmail.com. Nommez-moi votre craquelin. Donc, pour revenir au renard, faut que tu l'apprivoises, ce petit corbeau-là. Là. Pas l'apprivoiser, mais en tout cas, faut que tu le charmes. Non, pas apprivoiser, ça peut être long, l'apprivoiser. Oh, oui, oui, hey, hey, hey, hey, wow. J'en sais quelque chose. Fait que... Comment ça? Ah, on peut pas aller plus loin là-dessus. Ça fait que là, il chante, lui, la turlute, puis promets-lui des choses. Fais ton député de toi-même. Fais-toi député. Ah, moi, j'ai pas tous les défauts du monde, moi, là. Mais en tout cas, je vais essayer. Dit-il en se dérumant. Prends pas une demi-heure là-dessus. Non. Juste un petit 2-3 minutes. Peut-être une chanson. Pas de chanson. Après la chanson. OK. Ça sera la récompense. Ça fait que... Hey, Corbeau! Non, c'est moi ça. Non, Corbeau, c'est lui. Corbeau! Je m'ai mêlé, moi. Ah, mêlé comme un jeu de cartes, pas de billes. Corbeau! Jeu de cartes, pas de billes. C'est une nouvelle expression. Ah, man. Il en sort-tu des expressions dans une semaine, hein? Ah! Corbeau m'a dit quelque chose. M'a dit quelque chose entre toi et moi, parce qu'il n'y a personne d'autre, là. Il fait noir. Il est 12h33 du matin. T'as un morceau de fromage. Et je te conseille pas de l'avaler. M'a dit pourquoi. Je te vois aller, je te vois voler. Je trouve que t'es quelqu'un d'inestimable, de merveilleux, d'incroyable. On n'est même pas amis, mon ami. Je dis amis parce que... Je trouve tellement flamboyant. Flamboyant, oui. Excuse-moi, je suis un peu ému. Ce que je veux dire, c'est que le fromage que t'as dans le bec, c'est un fromage empoisonné. Tu vas mourir si tu le manges. Puis là, tu sais, moi, j'ai à l'intérieur de moi, là, j'ai quelque chose qui vibre. Hein? On appelle ça, là, oui, j'ai une conscience. La conscience me dit, laisse-le pas manger le fromage, parce que cette beauté de la nature disparaîtra, puis il faut pas que tu disparaisses, parce que je vais pas te le dire, là, mais je vais te le dire quand même. Là. Je t'aime. Oh mon Dieu, hey, là, le corbeau, ben, en faisant le fromage tombe, le renard se garoche le fromage. Pis là, il me le tient dans sa gueule. Parce qu'il y a une gueule. Ah oui, moi, il y a une... Ah oui. Il la tient dans la gueule. Pas ailleurs. Non, dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais j'examine tout ça. Est-ce qu'il l'a vraiment... Oui, je le vois. Hey, avale-le pas, là. Avale-le pas. Sauf toi, bien sûr, parce que là, le corbeau le regarde. Il vient de comprendre qu'il s'est fait avoir. Va-t'en dans ta tanière. Va-t'en dans ta tanière. Va-t'en dans ta tanière. Puis dépose-le. Ta bouche est chaude. Ta gueule est chaude. Puis le fromage a ramolli un peu. Puis les riopelles, comme je te l'ai dit, ça se passe. Fait que trouve-toi un craquelin. Appelle ta belle-mère. Et, excuse-moi. Voyons, non, elle est belle. On l'aime, ta belle-mère. On la connaît même pas. Bon. Et puis, dépose-le là-dessus. Et offre-toi le plus beau plaisir de ta vie. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines, sur des monstres de bois aux entrailles de chêne. Sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés, puis sont devenus les patrons. Ils se sont transformés en véritables sauvages, jusqu'à les humilier au plus profond de leur âme. Enfants battus, vieillards tués, mutilés, femmes salies, insultées et déshonorées, impuissants. Ils ont mangé des subissés, les douloureuses lamentations de leur peuple opprimé. Puis chacun d'entre eux en lui-même se doutait. Voyage dont il ne rentrerait jamais, qu'il finirait dans un port pour y être vendu. Il pleurait déjà son pays perdu, traité en inférieur à cause d'une différence de couleur. Chaque jour nouveau était annonciateur de malheur au fond des cales où on les entassait. Dans leurs esprits, les images défilaient, larmes aux pouces allées, larmes ensanglantées. Dans leurs esprits longtemps retentiraient les chants de la partie de leur rêve qu'on leur a arraché. Mais sans jamais tuer l'espoir qui les nourrissait, qu'un jour ils retrouveraient ces rivages féeriques où s'élèvent à jamais les tam-tams de l'Afrique. Perché sur une estrade, groupés comme du bétail, jetés de droite à gauche tels des fétus de paille. Ils leur ont inculqué que leur couleur était un crime. Ils leur ont tout volé jusqu'à leurs secrets les plus intimes. Piller leur culture, brûler leurs racines, de l'Afrique du Sud jusqu'aux rives du Nil. Et à présent pavoisent les usurpateurs, ceux qui ont un bloc de granit à la place du cœur. Ils se moquaient des pleurs et semaient la terreur au sein d'un monde qui avait faim, froid et peur, et qui rêvait de courir dans les plaines paisibles ou gambader parfois des gazelles magnifiques. Oh yeah, quelle était belle la terre qu'ils chérissaient, ou à portée de leurs mains poussaient de beaux fruits frais qui s'offraient aux bras dorés du soleil. Lui qui inondait le pays de ses étincelles, et en fermant les yeux à chaque coup reçu, une voix leur disait que rien n'était perdu. Alors ils revoyaient ces paysages idylliques où résonnait encore les tam-tams de l'Afrique. Jay-Z, rappelle-leur ma brother, qu'ils gardent une parcelle de leur cœur et que le sang qui a été versé ne l'a été que pour qu'ils puissent exister. Les enfants qui naissaient avaient leur destin tracé. Ils travailleraient dans les champs jusqu'à leur dernière journée, pour un pas de 4 heures, encore moins de récré. Leurs compagnons de chaque jour étaient la chaleur et le fouet. Sur leur passage on les fuyait comme le malin. En ces temps-là il y avait l'homme noir et l'être humain décrété supérieur de par sa blanche couleur, en omettant tout simplement son malheur antérieur. Il assouvissait son instinct dominateur en s'abreuvant de lamentations, de cris, de tristes clameurs qui hantaient les forêts. Longtemps après son passage, et l'esprit de ceux qui finissaient esclaves de génération en génération. Crimes et destruction, le peuple noir a dû subir les pires abominations. Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Mais non, je ne suis pas raciste par mes opinions, non pas de la critique, juste une narration. Je raconte simplement ces contrées fantastiques et je garde dans mon cœur les tam-tams de l'Afrique. Les tam-tams de l'Afrique. Les tam-tams. the lowest low is calling to me. I can pull myself back up, back down, stuck together like a ready-made. Nobody knows where we've been. Canceled rations are running thin. Watches tick, out of tune, falling apart like a ready-made. And my bags are waiting in the next line. Rubbish piles, fresh and plain, empty boxes in a pawn shop brain. License plates stow away, standing in line like a ready-made. And my bags are waiting in the next line. An open road where I can breathe, where the lowest low is calling to me. I can pull myself back up, back down, stuck together like a ready-made. And my bags are waiting in the next line. Ce 1er janvier, je vous fais un beau bec. Aujourd'hui, le lundi 1er janvier 2018, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Hey, on l'a passé vite, hein? Sous le chapeau, comme on dit, sous le chapeau. Je vous fais un beau bec. Un bec. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, ce qu'on a entendu, là, il y avait « I am ». Puis par la suite, il y avait Beck. T'as comprends-tu, là? Beck B-E-C, tenait dans ce chapeau un fromage. Non. Beck B-E-C-K. Mais c'est un lien avec l'oiseau, le corbeau. Beck. Ah, mon Dieu! Un autre paralysé intellectuel. Aujourd'hui, le 1er janvier 2018, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un souffle narratif, unissons-nous autour de mon ami Nico Pato. Nico Pato est un chanteur, compositeur, interprète. Je vais m'arrêter ici et lui vous dira tout sur Nicolas Pato. Hey, c'est drôle, ça. Est-ce qu'on peut avoir une plage de rire, s'il vous plaît? Avons-nous des plages de rire? C'est pas l'Halloween, là. Un rire, là. Ouais, OK. Alors, je crois qu'on va passer à notre invité. Je crois qu'on va passer notre tour. Et puis, ben écoute, on va avoir du plaisir, de la belle musique, puis une rencontre, une fin de rencontre extraordinaire, parce que, quand même, c'est la crème de la crème, c'est Nicolas Pato. Ce soir j'ai les ailes qui frissonnent, en ce moment je suis comblé. Surtout ne le dites à personne, je vais vous dire un petit secret. C'était donc l'après-midi qui allait changer ma vie. Je venais à peine de rentrer, à ma porte on a frappé. Elle avait l'air plutôt perdue, dans sa veste décousue. Elle s'est jetée à mon cou et m'a couvert de bisous. Tant d'amour en un instant. Mais pourquoi se poser des questions quand arrivent les papillons? J'avoue que je plane encore. La vie s'occupe bien de nous. Comment pourrais-je, mon trésor, te refuser des bisous? On est surtout très occupé. Y'a du soleil plein la maison et du bonheur dans ma chanson. Chaleur, on s'enlace, on s'efface dans des tours de passe-passe, on se suce, on s'essouffle. L'amour nous éclabousse depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. On dégaine, on se gêne, on se balance des je t'aime, on se touche, on se couche. On s'attrape par la bouche, on s'attache, on se détache, on se fait des cache-cache, on se déguise, on s'épuise. L'amour nous électrise depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. On s'emboîte à quatre pattes, on se met tout en vrac, on se lèche, on se lâche, on se tue à la tâche, on s'explique, on s'explose, on taquine l'overdose, on se tire, on se trompe. L'amour nous rend des comptes depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. On s'applique, on se déchaîne, on travaille à la chaîne, on se kiffe, on s'exploite, on se fait sauter la boîte, on s'en fout, on s'enflamme, on se joue toute la gamme, on s'allume, on se mange, c'est l'amour qui dérange depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Du bonheur, de parfums exotiques et des bulles de chaleur. On s'enlace, on s'efface dans des tours de passe-passe. On se suce, on s'essouffle. L'amour nous éclabousse depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. On travaille, croyez-moi. On fabrique du bonheur, de parfums exotiques et des bulles de chaleur. On s'enlace, on s'efface dans des tours de passe-passe. On se suce, on s'essouffle. L'amour nous éclabousse depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 depuis le début où tu as décidé d'entamer ta carrière de... Ben, te consacrer à la chanson, dirons-nous. Ouais. Est-ce que tu sens dans l'écriture une sorte de progression ou si tu restes dans la même lignée, dans la même structure, dans la même, dans le même dialogue avec, avec les mots? Non, j'ai progressé. Avec les idées surtout, avec les idées. Moi, j'ai progressé quand je vois le début de mes chansons et tout ça. Même il y a des chansons que je reprends, des vieilles chansons. Comme tu disais, là, il y a, en 2011, tu as écrit des chansons et tu vas les proposer ton prochain opus. Ouais, voilà. J'ai, même par rapport aux arrangements, comme je l'ai fait aussi, j'ai mis, j'ai dit, tiens, là, ça manquait de ça. Là, j'ai un peu... ça, c'est au niveau musical. Parce musical, que le goût du jour, le goût du jour change. Après, il y a des mots, il y a des chansons que j'ai bloquées sur un. J'arrivais pas à trouver le mot, machin, je retrouve 10 ans après, quoi. Et ça vient de quoi? Ça vient d'un dénouement intérieur où les mots se sont... Le vocabulaire s'est peut-être élargi? Une détente, je crois. OK. Alors, t'as abandonné et tu retrouves, là, c'était clair comme de l'eau de roche, c'était ça qu'il fallait aller. Voilà, ouais, c'est ça. C'est, alors, tu sais faire attendre un texte. Hein? Comme tu sais faire attendre un texte. Ouais, il faut. Hein. En même temps, c'est comme un vin. Plus il attend, meilleur il est. Ouais. Il faut savoir... Es-tu du genre à jeter beaucoup, à jeter? Si je jette beaucoup? Oui. Ouais, alors j'ai du mal. Hein. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tout garder. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il y a des belles phrases, des belles tournures. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfois, il y a un petit bijou dans le fatras. Dans le concept. Ouais. Et donc, c'est le petit bijou qu'il faut... Préserver. Ouais, il faut préserver. Alors parfois, tu peux repartir à partir du petit bijou. Et hop, ça fait un truc... C'est rien, tout est incohérent, hein, finalement. Vive l'incohérence, hein. Vive l'incohérence. Vive l'errance. Ouais, vive l'errance. Et vive la... Tu parlais de collaboration, et c'est vrai que c'est très, très, très important. On n'y arrive pas tout seul, en fait. Donc, moi, c'est un peu... Là, il faut ouvrir des portes, hein. il faut se détendre. Hein. C'est ça, en fait, le truc. C'est se détendre, et puis voilà, c'est se laisser aller. Puis accepter aussi qu'on est... Enfin voilà, je sais pas comment l'exprimer. Quand tu commences à faire... J'ai toujours fait des chansons en espérant aussi faire le... Ça, c'était plus avant. Avant, c'est quand avant? Je pensais pas à l'album, je pensais la chanson, okay. Le single. Ah oui, ah oui. Le titre qui va... Tu vois, arraché. Ouais, donc je me suis vite calmé. Pourquoi? Parce que tu trouvais que c'était trop de concentration sur une œuvre au lieu de penser au concept. Ben les gens, en fait, tu les intéresses, c'est les gens qui vont regarder l'album, quoi, tu vois. Et puis, ce qui est beau chez un artiste, par exemple, c'est de prendre ces 10 dernières années, regarder les albums, puis voir l'évolution. C'est ça qui est beau, un artiste qui a, je sais pas, 70 ballets, tu regardes un peu son parcours. À une certaine époque, c'est vrai, mais aujourd'hui, où l'on peut s'acheter une chanson à 79... Oui, voilà. Ben, j'allais dire un dollar. Donc, la chanson est pas plus importante que le concept. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que pour soi, personnellement, okay. C'est bien de se dire bah, je suis capable de faire les 12 titres sur folk. Je vais utiliser un harmonica, une guitare folk, les oiseaux. Alors, ta thématique, c'est conceptuel. Ben, ça commence de plus en plus, ouais. Enfin, je commence à plus me dire, voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire sur 12 titres. Comme La Fille du métro. Fille du métro, ouais, c'était pas facile. C'était quelque chose, c'était une histoire féerique que t'as voulu nous amener. Parce que j'avais la chanson, c'était la chanson qui plaisait, voilà. Mais à force de le faire sur scène et tout ça, on faisait des répètes et les chansons venaient en répète, quoi. Ok. Parfois, alors t'as rien forcé. Non, j'ai rien forcé. Et pour ça, avec Philippe, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Alors lui, il fait des bébés maintenant, donc... Des vrais? Ouais, des vrais, okay. Donc... ça, c'est chiant. Ouais, ben là, il est occupé. Donc tu l'as... Ben, il t'a abandonné ou vous êtes... Ben, le projet, finalement, il avance pas trop à cause de ça. Enfin, okay. Ou à cause de moi aussi, je vais pas tout lui mettre et sur avec le... Internet, tu peux pas lui envoyer des textes et tout ça? Lui, il peut pas chez lui, entre deux couches et deux pleurs... Ouais, je crois que ce qui motive vraiment, c'est de dire, voilà, samedi, on a un concert, on répète, et c'est lui ça qui est pas. Kiffant pour un musicien. Je comprends, ouais. Parce que là, c'est de la branlette, après. C'est, quand tu es même chez toi, tu as les arrangements et tout, c'est un truc... Mais toi, avec ton nouvel opus qui se prépare, est-ce que tu envisages le studio bientôt, ou si c'est déjà fait, ou... Ben là, j'ai terminé tous les enregistrements. Chez toi? Ouais, je mixe encore un petit peu, et après, par contre, tout ce qui est mastering, là, je vais voir quelqu'un. qui me booste les chansons. Booster dans quel sens? Bah, tu es le master, donc t'as ta... Ouais, ouais, t'as la trame. Et puis là, il te la met à la bonne écoute, au bon niveau, parce que moi, si tu vois, les niveaux sur mon SoundCloud, là, ils sont assez bas. Ok, tu veux dire que les chansons se suivent pas au niveau sonore? Ouais, voilà, ouais. Il va te faire ressortir plus les basses, okay. Tout là, machin, après ça... Audio Galaxy fait tout ça. Voilà, ça, c'est un métier, hein. Non, mais, ouais, hop, ok, parce que j'allais dire que Audio Galaxy, qui est un logiciel, fonctionne aussi comme ça. Ah bon? Oui. Audio Galaxy. Ouais, tu peux normaliser, on appelle ça normaliser. Ouais, c'est ça, normalise, ouais. Alors, c'est gratos. Ah bon? C'est un logiciel public. Et quand je fais des émissions de radio, tu sais, pour pas que ma voix soit plus forte que la musique, ouais. Ben, je normalise, donc c'est tout. Est-ce que tu permets que je note le ben oui. Audio normalise? Non, Audio Galaxy. Audio Galaxy, ouais. Et parce qu'il y a plusieurs onglets, il y a plusieurs notifications, ouais. C'est égalisateur, ça égalise le... Je te l'enverrai sur Facebook, ah, ça marche, le lien, ouais. Le lien, que tu peux télécharger. C'est gratuit. C'est gratos, donc le gars, ça va coûter absolument rien. Ah bah ouais, bah ça va me faire c'est mes économies. C'est très intéressant, très intéressant. Bah écoute, ouais. Je vais bien te redonner un croissant du coup. Ah, non, non. et ton, donc là, l'album et les chansons sont préparées. Ouais, alors, j'ai même fait la pochette, figure-toi. Ok, tu fais ça parce que tu aimes dessiner? Ou c'est des photos? Non. En fait, j'ai trouvé personne. Enfin, si, j'ai trouvé une fille qui m'a fait une proposition. J'aimais pas du tout. Des photos, une proposition, ouais. De photos. Okay. Donc, moi, j'aime faire les brocantes. Ok. Et donc, j'avais trouvé une vieille carte postale des années 20. Donc, ça devait être réglé. Ah ouais. Dessiné, tout ça. J'ai foutu. Vieillot? Ouais, vieillot. J'aime bien ça. Donc, j'ai remis tout ça, mes chansons, clac-clac. Et je suis très content du résultat. Mais les droits d'auteur, j'espère que la personne n'est pas. Bah, 1920, on va dire c'est 1920. Ok. Je sais pas où elle est. Enfin, J'espère que le photographe, la petite fille du photographe ne connaîtra pas l'œuvre de son père parce que... Je crois que c'est un dessin. Ok. Non, Pierre, alors j'ai vraiment zoomé à l'intérieur. Ok, donc on ne peut pas voir. C'est... Non. Okay. Ah, mais c'est bien, c'est stratégique. C'est stratégique, ouais. Puis j'ai tout le grain, tu vois, les petites couleurs et tout ça. J'ai vraiment zoomé, ouais. Et tu vas... sur ce prochain disque, est-ce que on va pouvoir lire le texte? Alors, tu sais pas encore? Non, enfin, moi je vais le faire sur carton, mais c'est vrai que... Non, mais on peut aller voir sur Internet, il va y avoir, ouais. Un lien Internet pour... Alors, j'ai la Bedaine sur Internet, j'avais fait un live il y a quelques temps. Ouais. Je l'ai laissé parce que c'est vraiment, vraiment sympa, enfin, les filles réagissent bien, tu sais, c'est la Bedaine. J'ai l'histoire, après je passe de la bedaine, je fais le zizi, mon zizi est tout petit, quand je plonge dans l'eau froide, tout ça. Et la dernière, c'est ben justement, chanson bloquée, c'est... Mais est-ce que tu te sentais un peu mal à l'aise de refaire les zizi quand Pierre Perret, il a touché? Et pas ton zizi, mais il a touché au zizi. Non, alors le coup du zizi, c'est drôle, bon, c'est venu, je pense... Parce que quand on dit zizi, on pense à Pierre Perret. Ouais, tout à fait. Il y en a qu'un qui l'a fait, et ouais. C'est le premier. Ça... Alors c'est audacieux de reprendre le zizi. Ouais. À ta sauce. Surtout quand je parle un peu du mien, enfin, ouais. Mais c'est pas le mien, enfin, non, c'est le zizi de l'homme, ouais. En général. Oh, ouais. On a tous un zizi petit quand on plonge dans l'eau froide. Oh, oui, effectivement. Mais donc c'est... Mais quand... Mais après, c'est la deuxième partie qui est un peu plus chaude, enfin, je te laisserai écouter. Mais quand tu prends dans ta main, il reprend de l'embonpoint. Il redevient plus masculin, plus affirmé que lorsqu'il est anesthésié, dans l'eau glacée, ankylosée et tout gelé. Gla gla gla. Ah, mais ben c'est bon. Oui. Ok. Oui. Alors le gla gla gla va vraiment avec la chanson? Ah oui, le gla gla gla. Mais tu aurais dû faire glan glan glan. Ouais, ah ben je le fais. Hein. Ok. Ah. Il est dans la chanson. Ok, glan glan glan. Gla gla gla. Mais glan glan glan, non? Gla gla gla, c'est gla gla quand on a froid. Oui, mais glan, le glan, glan glan glan. Ah merde, putain, j'ai pas pensé. Mais oui. Bravo! Glan glan glan. Ah oui, mais moi, les jeux de mots, hein, c'est un peu ma vie. Ouais. Donc, sur scène, tu peux le faire. Glan glan glan. Il faut qu'on collabore ensemble. Non, peut-être, pourquoi pas, j'ai aucun problème. Elle sait si bien s'y prendre, ne fait que me surprendre. Mystère aux femmes, aux vies, me laisse tout étourdir. Épuise mes soucis, mes troubles, elle sait si bien se taire. Quand je lui fais la guerre, son silence m'écoute. Me laisse dire, son silence me donne à réfléchir. Elle sait. se faire prier. Elle m'a toujours gagné avec des petits mots qu'elle sait. Elle prend beaucoup sur elle. Majesté maternelle. Voilà pourquoi je chante encore pour elle, c'est se laisser faire. D'un corps sucré, tendre, cher, s'accroche à mes regards pour ne pas tomber, sourit au hasard pour se rassurer. Faire prier, elle m'a toujours gagné avec des petits mots qu'elle sait. Dans ton parfum, t'aimer, t'aimer de bon matin. que le plaisir du mot vient du fait que tu as trouvé la bonne tournure, la bonne façon de le dire. Ouais. Et suite à ça, est-ce que c'est la musique qui se joint à tout ça? Alors parfois, ou si tu as déjà la musique, puis oh, là tu... Ça vient tout seul. Alors par exemple, la bonne révélation hein, que tu vois partout, cet instrument, le ukulélé, c'est que c'est une autre approche. Donc par exemple, quand tu fais du piano aussi, j'ai trouvé la suite d'une chanson si je me mets au piano. La guitare, c'est un... du piano debout? Aussi, ouais. Parce que ça veut dire beaucoup, ouais. Oui, <Okay. rire> oui, vas-y, excuse-moi, je voulais pas, je voulais la dire. Et donc, piano, c'est le rapport que tu as aussi avec l'instrument. Le ukulélé, moi, ça me va bien. Quand tu fais les accords tout simples, là, ça me permet d'être dans ma tonalité aussi. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la bonne tonalité. Ok, de ta voix? Ouais. Les premiers disques, c'est pas vraiment ce que tu voulais donner? Non, parce qu'en plus, moi, je voulais chanter comme les Beatles. Ah oui. Alors, c'est le français. Mais c'est ce que tu peux faire aussi. Avec une voix grave qui va chanter. Comme, ça fait comme l'ours dans les bandes dessinées. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, j'ai cassé les oreilles à beaucoup de gens. Pour trouver ton son? Ouais, pour trouver. J'ai chanté dans les aigus. Après, j'ai tout descendu. Puis, il y a un moment où il faut prendre du plaisir aussi. Puis il faut pas trop avoir mal parce que Tom Waits a trouvé son style. Ouais. Avec 3-4 scotch derrière la cravate par jour, le style devient tout seul. Hein? Ouais, les cigarettes aussi peuvent aider. Oui, exactement, pour avoir la voix bien grave et tout ça. Bon, alors, c'est... tu vas te mettre à boire du scotch et à fumer? Ben écoute, ouais, je vais arrêter le café. Ben oui, ça donne absolument rien. Faut se détruire pour avoir une voix. Et au Québec, il y en a un qui le fait très bien, c'est Éric Lapointe. Éric Lapointe? Oui. Ne pas confondre avec Pierre Lapointe. Ah, Pierre Lapointe. Ouais. Non, Pierre Lapointe, c'est autre chose. C'est, en tout cas. Tiens, toi qui connais bien les artistes, alors, j'ai accueilli il y a quelques années un chanteur. Alors, je ne sais pas s'il continue, il avait l'air bien engagé. Toi? Oui, chanteur québécois. Et il s'appelle Alexandre Valade. Je ne sais pas s'il continue. Non. Non, bon. Dommage, c'était très sympa. Mais tu étais voir sur internet, si Ouais, j'ai pas trouvé, ouais. Sur Facebook, il est pas là? Non. Est-ce que c'est son vrai nom? Alexandre Valade, ouais. Okay. C'était étonnant, parce qu'il avait l'air très engagé. Un bel univers et tout. Bon, c'est quelqu'un qui faisait des enfants aussi, alors peut-être... Bon, c'est fini, c'est terminé, la femme l'a agrippé, il l'a placé dans la niche, fermé la porte, barré la porte, et voilà, il est malheureusement séquestré. Et ouais. Comme beaucoup d'hommes. un pauvre gars, pauvre garçon. Comme s'il n'avait pas eu le souhait de réagir avant. Hein. Mais le disque, c'est 12 titres, le prochain album? Ben, j'en ai 17, mais il y en a trop là, donc il faut que je fasse Ok, alors, tu sais pas encore quel... Non, c'est ça qui est dur, hein. C'est pas saouler les gens, et en même temps... Tout... Tu peux les placer en bonus? En bonus, ouais. Parce que, évidemment, j'ai envie de tout mettre, parce que tu dis finalement, les gens vont pas tout écouter, tu mets tout... Je discute souvent avec des chanteurs qui préparent des albums, mais l'angoisse de la... Une fois que tout est placé, là, on se prépare à sélectionner les chansons. As-tu déjà une idée de la hiérarchie? Ouais, alors je vais mettre les meilleurs titres en avant. Ouais, mais c'est ce que l'autre disait aussi. N'efface pas mon numéro. Non, mais c'est pas vrai. C'est mon titre phare. C'est vrai. Tu vas placer les meilleurs jusqu'au moins... Encore là, c'est une question de point de vue. Oui, c'est une question de point de vue. J'ai fait écouter une chanson à une copine dernièrement. Je pensais que c'était une très bonne chanson. Puis, oh, je croyais que c'était une très bonne copine. OK. Elle fait, oh non, bon. Après, il ne faut pas écouter les gens non plus, mais... Ouais. Donc la sélection est déjà intellectualisée. Ouais, je sais déjà quel titre je vais mettre à peu près quoi. Après, s'il y en a une sur les arrangements, je suis pas très. Je sens que c'est un peu faiblard, mais j'hésite à la mettre quoi. C'est surtout ça. Okay. C'est de mettre une chanson qui va voyager sur internet et qui est pas finie. Ah donc, ouais. Ça peut briser, ça peut bousiller un peu l'œuvre que tu veux proposer. Ben ouais, voilà. Donc c'est juste ça. Parfois je bloque sur. Mais tu as de la difficulté à supprimer. Ouais, j'ai dit ouais, est-ce que je parce sens qu'il y a un potentiel. Travaillé. Aussi, ouais. Puis je sens qu'il y a un potentiel dans la chanson, donc. Puis j'aimerais bien la reprendre, j'ai envie que les gens la connaissent. Je me dis, tu as de l'espérance que tu te retrouves dans un stade un jour. Envoie-moi la chanson, t'as pas voulu. Surtout à Bercy, ils sont très violents si tu fais pas la chanson. Mais est-ce que tu as pensé, lorsque cette chanson, exemple, si cette chanson-là ne colle pas, de prendre le texte et, entre deux chansons, placer ce texte-là sans la chanter? Tout à fait, ça c'est bien, ouais. Comme Gainsbourg avait fait le Mickey Mouse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, quand il secoue ses mousses. Il l'a pas chanté, il l'a récité. Ah, il l'a récité en live? Ben oui! D'accord. Dans son album reggae? Ouais, au casino? J'ai un mec qui m'aousse, un gourdin dans sa housse, et quand il secoue, ses mousses. J'ai un ami qui m'aousse de 4 pieds 6 pouces qui fiche au rousse, au blond de la frousse. Donc, tu n'es pas obligé de la chanter comme lui l'a fait. Ouais, c'est vrai que. Bon, alors, c'est pas Mickey Mouse là, c'est. Parce que là, c'est un texte quand même qui est assez construit. Donc. Non, il y a une bonne. Il y a un bon. C'est un peu folk. Ok, alors. Plus, musicalement, tu la trouves intéressante. Ouais. C'est le texte qui est un peu faiblard. Non, le texte est bien. Musicalement, c'est bien aussi. C'est les arrangements. Ok. Je voulais une cornemuse, parce que ça se passe en Bretagne. Moi, l'instrument. Justement, oh. Paris, j'en ai marre. Mais comment tu fais pour enregistrer une cornemuse? C'est épouvantable, la cornemuse. Et ben justement, je me suis déplacé il y a 3 semaines. Le gars m'a dit oui, j'ai une cornemuse, c'est bon. Puis j'arrive, c'était pas la bonne tonalité. Ah ouais. Et bref, ça fait un bruit pas possible. C'est, c'est épouvantable. Comment tu as placé le micro? Moi, j'ai pas fait. Je lui ai serré la main et je lui ai dit bon, écoute, je vais me débrouiller. T'as bien fait parce qu'une cornemuse sur une chanson. Ouais, bah je vais peut-être mettre un petit clavier. L'accordéon, non? Ah, c'est magique, l'accordéon. Ben oui. Ouais. Ben oui. J'adore l'accordéon. Dans la chanson La Foule, là, c'est hallucinant. Ah ouais. D'Edith Piaf. Ah oui. C'est bon, hein? C'est super. C'est vrai, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais l'accordéon, c'est magique. Hein. Alors qu'avant, moi, j'aurais pas donné un euro sur un accordéon, mais là... Parce qu'en fait, on a encore le côté vieillot, un peu, j'allais dire... Tu parlais d'enfance tout à l'heure, moi, ça faisait partie. Moi, je suis du nord de la France, puis le Pas-de-Calais, sont très... C'était des guinguettes. C'est ça, mais c'est pas kitsch un peu, là, c'est vu comme étant kitsch aujourd'hui. Ça fait la chance aux chansons, ça fait Pascal Sévran, ça fait... Alors, ça l'était, alors parce qu'on faisait des blagues... Accordéon musette, on appelle ça accordéon musette. Voilà, alors il y a un moment, c'était Yvette Horner. Ben oui! Chaque fois qu'on parlait d'accordéon, c'était oui. Yvette Horner, oui. C'était une moquerie. Toujours le sourire. Tout à fait, ouais. Mais je pense avec les vagues de nouveaux chanteurs et tout ça. On l'a comme les garçons bouchés, ouais. Ils l'ont utilisé, donc ça a comme désacralisé. Ouais, puis désacraliser. Fait partie du terroir finalement, ça pourrait être classé en. Oui, ben oui, au Panthéon. Ouais. Panthéon. Non, quand on dit la France, on parle de la baguette, le fromage, c'est quoi. Et l'accordéon aussi. Puis l'accordéon, voilà. Ben oui, mais quand tu veux t'acheter des souvenirs, là, il y a la baguette, il y a le béret et il y a l'accordéon sur le. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, donc, mais t'en as pas ras-le-bol de ce genre de symbole-là? Non, après il y a un petit côté... Et il y a le rouge aussi, bien sûr, le rouge. Finalement, je pense que ça va être un fervent... C'est un bon défenseur, c'est une bonne barricade aussi par rapport à tout ce qui arrive. Ah, ouais. Ce qui est, okay. Il faut rester symbolique. Ouais, je pense que ça fait partie du... Et ouais. Toi, ton... Ah, mais ça, c'est intéressant. Toi, ton univers, tu le vois avec quel symbole? Ton univers musical? Alors, ça dépend les albums. Hein. Non, mais l'ensemble, là. Si on doit placer là, ouais. Nico là, et autour de toi sur la fiche, là, le symbole, les symboles Nico. Ça serait un sourire. Ok. Je pense voilà, le sourire, c'est la première chose qui me vient. Sourire, une fleur, de la couleur. Ok. La couleur. Un peu années 70. Ouais. Ça... La fée du métro, c'était les petits objets made in China, mais avec des très. Ça des coûte des pas cher. Très vide. là, le petit patou, ces trucs un peu. Avec les pochettes d'albums, je vois, hein, ces trucs un peu vintage, ouais. Ok. C'est vintage, ouais. Truc. Rétro. Rétro, ouais. Rétro. Ouais, c'est ça, ça j'aime bien. Oh, j'adore les brocantes, j'achète plein de trucs en brocante et je suis emmerdé parce que. C'est beaucoup moins cher, hein, la brocante, souvent. Ouais, parfois t'as des carafes qui sont sublimes. Ouais. Salut les copains, ça va? Alors, on a faim? Hé, hey, suivez-nous, vous allez voir, c'est vachement sympa. On a plein de choses à manger. Ouais, on y va, allez, c'est parti là. Nous, on s'en cache pas. On en mange. Nous, on s'en cache pas. On en mange même si c'est gras. De tous les burgers. Celui qui me résonne, qui me stabilise, c'est le Royal Cheese. Nous, on s'en cache pas. On se gave. Nous, on s'en cache pas. On se fait péter l'estomac. après un concert. File cache chez moi. On se tape des burgers. Et après on s'en va. On s'en cache pas. On rigole. Nous, on s'en cache pas. On rigole même si c'est gras. On prend des kilos, mais on s'en fout. Quand on est gros, on reste beau malgré tout. Nous, on s'en cache pas. On y adhère. Nous, on s'en cache pas. On y adhère même si c'est gras. Youhou ! Ouais, c'est lui qui le cache. Ça reste le prochain alors. Tu vas souvent pour les brocantes? Alors, j'ai cette petite maison dans la Sarthe. Sarthe, c'est OK, c'est plutôt en banlieue, c'est pas... C'est entre Le Mans et tout. Oui, oui, mais je veux dire, c'est pas à Paris, là. Non. Alors, à Paris, tu peux les faire, hein. Parfois, tu peux trouver des bons petits trucs. Alors, à Paris, c'est génial. T'as même pas besoin d'attendre les brocantes, parce que les gens, ils balancent tout, tout ouais, sur dans le trottoir. Ouais, ouais. Hier, je me suis promené, mais en plus, j'ai une petite camionnette, mais parfois, tu fais le tour et tu peux remplir ta camionnette. Et qu'est-ce que tu as ramassé? Bah, par exemple, t'avais une chaise de. Hier, t'avais une chaise de bébé à l'ancienne. Ouais. Une chaise de bébé, mais très propre, sublime et tout ça. T'es sur le trottoir. Les gens n'ont pas de place à Paris, donc ils mettent alors, tout sur ben, le trottoir. Là, il faut que tu fasses un enfant. T'as déjà la chaise de bébé. Bah, il faudrait, ouais. Ben oui, mais là, c'est la deuxième étape. Ouais. Là, tu vas trouver un bébé peut-être sur le point de. Bébé de 22, 23 ans. Là, tu vas l'adopter avec grand plaisir. Hey, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Est-ce que tu m'as amené un opus pour que je puisse diffuser? Parce que je suis allé prendre sur Internet des titres. Mais écoute, je l'ai pas. Okay. Moi, je me suis dit. Alors, mais comme t'es. Oui, vas-y. Je me suis dit, est-ce que je te donne des. J'ai des CD qui ne correspondent pas à mon prochain album. OK. J'ai la Fée du Métro. Oui, j'ai oui, il n'y a pas de problème. Oui. Il faut avoir une vision globale de, ouais, du personnage. Ça, j'aurais pu te. Non, mais comme tu restes pas loin, je vais te laisser l'adresse. Et tu laisseras ça à la réception si tu veux et si tu peux. T'es ici, là? Oui. Aristide Brouin. Ouais. L'auberge de jeunesse. Ouais, ben, je le ferai ben, même. Je vais faire l'aller-retour, là. Comme OK. Ça sera fait, on va pas attendre. OK. Est-ce que c'est bien loin? Non. Okay. Tu veux descendre avec moi? Oui. Ben, moi, j'ai un rendez-vous, là, après. Ah, t'as un quart. Ouais, ben, je te l'emmène ici, alors. OK, excellent. OK. Ouais. Et j'ai 10 questions avant de partir, là. Ah, vas-y, faut pas s'en aller. Oh, oh, oh. Si tu étais. Puis en plus, ça t'a pas pris. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ton appareil photo? Ouais, c'est mon appareil photo. Okay. C'est un petit. Oui, il est bien protégé. Ouais, je pense ça. Ah, oh, c'est un automatique. OK. Ah, oui. OK, un Canon. Moi, c'est un Nikon. Puis j'ai un site internet sur la photographie qui s'appelle Nikon Nisumi. Ah oui. Parfait. Et puis? Donc je suis avec Rénal Gagné. Hein, ah, tu fais une vidéo? Bah oui, je fais une petite vidéo. Oh. Rénal oui. qui vient du Québec et qui me fait une petite interview. Eh bien oui. Pour CKRL, qui est une radio associative. Ouais. La première radio associative francophone au monde. Génial. Oui. Et je vais passer sur cette radio. Oui. C'est énorme. Et c'est celle qui a donné la chance à Carbone 14 de venir au monde. D'accord. Donc, les techniciens sont venus à Paris pour raconter un peu quel matériel que l'on utilisait à l'époque pour diffuser. Ça a fait des La Fesse, ça a fait des Super Nanas, ça a fait des choses totalement déjantées comme ton univers. Et c'est pour ça que je suis ici pour te rencontrer. Génial. En tout cas, on a passé un bon moment avec Rénald. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Mais non, ce n'est qu'un début. Okay. Histoire à suivre sur ckrl.qc.ca. Bon, on vous tient au courant. Voilà. Salut. Et ben voilà. Non, on voit rien? Bah, c'est rayon de soleil, je sais pas ce que ça a donné. Hein. Au moins, la voie est là. Ouais. Si, c'est bon. Parfait. Eh ben voilà. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Ah, t'es concentré. Si j'étais un liquide, je serais du matcha. Du matcha, ça c'est alcoolisé, je crois. Non. Je connais pas. Non, monsieur. Non, allez, c'est du thé. C'est du thé vert. Ok, ouais. J'hésite entre les deux, le thé ou le... Non, mais hey, je te dis matcha. Mais si tu m'avais posé la question la semaine dernière, je t'aurais dit... Ok, parce que tu viens de découvrir ça, là. Et ouais. Tu veux paraître spécialiste. Et ouais, c'est une copine qui m'a montré ça. Donc ah oui, c'est très féminin, oui, effectivement. Et tu bois ça, mais t'es inspiré. Ah oui? Ah ouais, tu parles avec Dieu, quoi. Ah, et puis qu'est-ce qu'il y avait à dire? Pas grand-chose. Ben, tu vois des étoiles, quoi. Ok. T'as les papillons dans le ventre. Attention, Nietzsche a touché les étoiles. Hein. Ici, il est brûlé. Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, quoi, j'ai dit un gros mot, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Dieu, c'est un gros mot, mais pas étoile. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Est-ce qu'il y a de la guarana, des trucs comme ça? La guarana? Oui, c'est... en fait, dans la boisson énergisante, il y a beaucoup de guarana. C'est les pygmées qui les utilisent. C'est extrait d'une fleur. Ils enlèvent les pistils. Ah oui, le font sécher. Et prennent ça, c'est tout à fait légal, c'est moins dommageable que de la boisson énergisante. Puis laisse-moi te dire que quand t'es pygmé, la boisson énergisante n'existe pas. Et ils peuvent rester 3-4 jours à l'affût dans les bois à chasser. Ah oui? Pour pouvoir ramener du gibier histoire de manger pendant quelques semaines. Donc la guarana, c'est très utile et très utilisé aussi. D'accord. Et très sain. C'est mieux que la caféine. C'est moins nocif. Guarana, alors. Oui, guarana. Ah, il doit y avoir de la guarana dans ton truc. Alors, écoute, je sais pas, mais bon... C'est énergisant? C'est énergisant, je pense que c'est... Ouais, c'est... Ça a des vertus, hein, de toute façon. Mais parfois, j'ai envie de faire du bien à mon corps, et parfois, j'ai envie... On a envie de se défoncer, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai plus carburé au whisky, au pinard et tout ça. Surtout entre amis. OK. Et quand je vais essayer de me retrouver, ça, ah oui, puis surtout de faire la paix avec moi-même. Hein, tu parles de thé, ça montre que tu es un gars zen. Et, ouais, voilà. La fille a dit, ah, mais il y a quelque chose dans ce mec-là qui m'intéresse. Après ça, ben, c'est le gros pinard. Une fois que tu es marié, ben là, c'est fini. Tu laisses aller le rideau est tombé. Si tu étais une ville. Une ville. Si j'étais une ville, je serais. Donc, il faut choisir une ville dans le monde, quoi. Parce que je suis pas très ville en fait, je suis plus village. Moi. Vas-y. Si j'étais une ville, je serais une ville verte. Une ville où il y a plein de verdure, il y a plein de vélos. Qui n'existe pas sans doute, que tu vas créer. Ça n'existe pas. Non mais oui, ça existe, mais tu veux pas en nommer, donc c'est c'est un village que tu aimerais bien implanter. Ouais, je vois pas trop le. Là, j'ai la ville. Ville au bord de mer, peut-être, je sais pas, Barcelone. Ah oui, ok. Alors, c'est. Mais Barcelone a changé. Ça a changé, c'est devenu. Non, c'est devenu. Non, c'est meilleur, c'est mieux. C'est mieux, là. Ah oui, c'est mieux. Ah, oui. Si tu étais une langue. Une langue à parler. Jean-Claude Dreyfus a dit une langue de cochon. Mais Dreyfus adore les cochons. Moi, je serais une langue de chat. Oh! Pour ronronner? Ouais, c'est, en plus c'est rappeux, ça peut être rappeux. Ça. Bon, puis un petit coup de langue, c'est quand même oui. Ça. Oui, ben écoute, Julia Palombe, qui est une chanteuse, a nommé mon appareil La Chatte. Alors je te présente La Chatte, le chat. Ah, elle s'appelle oui, La Chatte. C'est vrai que c'est mignon. C'est beau, hein? C'était assez attirant, vraiment. Donc, ici, tu étais... Là, tu commences à voir autrement. Hein? Quand c'est une chatte, là, on est plus attentif, les mecs. Oui, hein? Puis c'est une vraie chatte, quoi. Oui, c'est une vraie chatte. Parce que les chattes, maintenant, ça ne se ressemble plus à des chattes. Hein? Non, elles sont rasées. C'est... Mais ça, c'est pour absorber le vent. Mais c'est vrai. Tu crois que c'est un gag? C'est vrai? Ben oui, c'est pour absorber le vent. Ah, le vent, oui, le vent. Sûr. Et ça protège ton micro de... Exactement. Mais il y a deux micros puis ça paraît pas. Il y a deux micros? Deux micros, parce que si un flanche, l'autre fonctionne. D'accord. Ça, c'est mon côté. Ça, faut que je prenne en photo. Je prends en photo. Ah, ben oui, ben oui. Puis tu regarderas le vidéo. Ah non, tu peux pas voir, mais tu regarderas mes photos avec Julia Palombe, puis tu vas voir la touffe. Ben pas de Julia, mais du micro. La chatte, en question. Julia! Oui, génial! Si tu étais une langue. C'est qui est mignonne. Ben oui. Mais tu m'as déjà dit la langue, langue ah oui, c'est de vrai, chat, c'est vrai, excuse-moi, chatte, oui. Si tu étais une époque. Une époque, je serais 1900. Ah, c'est sûr. Hein. Entre 1920 et 1930. Oh non, 1910 ou 1925. Entre 1910 et 1925, j'ai un truc avec cette période. Je la trouve belle, la façon dont les gens sculptaient, faisaient des palissades. Ah oui, puis tu étais plus jeune à l'époque. Et j'étais plus jeune. Ah oui, oui, c'est vrai que ça... Et toi, c'est toute la structure, c'est toute l'architecture. L'architecture, puis c'était des belles périodes, je trouvais. Enfin, il y a eu les guerres atroces, c'était ignoble, mais il y avait quelque chose de noble. Enfin, j'aimais bien le... J'aime bien cette période, ouais. Ma grenouille est fantastique. Ma grenouille est mécanique. Mes amis me l'ont donnée. Je viens vous la recommander. Ma grenouille ne pollue pas. Ma grenouille ne consomme pas. C'est une grenouille à friction. Quand on la frotte, elle fait des bonds. Youhou! Maman, elle fait des trucs franchement super. Pour un petit jouet en fer. Ma grenouille, c'est évident. Fait délirer les enfants. Sur le bois de mon parquet, on les entend rigoler. Youhou! La niaque, le jus, la patate. jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. Si t'as des problèmes, ou si tu te traînes, ici sur le dance floor, ça peut s'arranger. Si t'as les boules, retire ta cagoule. Branche-toi sur le dance floor, on va s'éclater. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. Tu te sens morose, tu frôles l'overdose. Ici sur le dance floor, ça va balancer. Mais si tu te tâtes, retire ta cravate. On bouge sur le dance floor, on se laisse aller. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. Tu aimes la nature, la grande aventure. Viens voir sur le dance floor, on va t'en donner. Tu aimes l'altitude, les bonnes habitudes. Ici sur le dance floor, on sait s'amuser. La frite, la gnaque, le jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate. Je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je gère mon destin. Do you understand? It is like a finger pointing away to the moon. La gnaque, le jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate. La frite, la gnaque, le jus, la patate, je prends les choses en main. Ça serait coquin, je crois. Coquin, parce que j'aime bien, j'aime ça. Enfin, c'est, je pense que c'est ce qui nous fait pulser, c'est ça, quoi. C'est la coquinerie. C'est la coquinerie, c'est le. Bon, j'aurais pu dire encore. Ouais. Metal, punk ska, mort. Non, coquin. Si tu étais un aliment. Un quoi? Un aliment. Un aliment. Un aliment? Oui. Un aliment, je serais... Je disais aliment avant, mais là, les gens comprenaient animal. Oui, je croyais que tu me disais anima. Non. Aliment. Je serais un légume. Je serais un brocoli. Pourquoi le brocoli? Cuit ou cru? Cuit. Cuit? Non, pourquoi un brocoli? Parce que c'est riche en... C'est riche en calcium. Ok. Et toi, tu veux te carburer au calcium? Tu veux carburer au calcium? Bah, j'en mange souvent des brocolis. Ok. Ou alors les œufs. Les œufs, j'en mange pas mal. Parce que tu aimes les œufs ou parce que c'est bon pour la santé et tu t'oublies? C'est bon pour la santé. Même le matin, je mange des œufs. Juste parce que c'est bon pour la santé? Parce que c'est bon pour la santé, on a besoin de protéines. Le goût est pas important. Parce que tu vois, bon pour la santé, c'est bon. Non. Ok, si, parce que t'aimes ça aussi. J'aime ça aussi, bien okay, sûr. Ok. C'est dégoulinant un œuf. Oui, mais ça dépend comment tu le cuis. Oui. Ok, parce que ça peut être très figé. Bah ouais, mais on l'aime bien liquide, un peu liquide, quoi. Ok. Tu vois. parce que chez nous, on peut le prendre vinaigré. Hein. Ah bon? Ben oui, avec une bonne bière dans, un, dans une vraie taverne. Là. Il y a un pot gigantesque avec plein. Ah oui, je crois que j'ai vu ça. Et là, ça, tu prends ta bière, ta Guinness et tu plonges ta main et tu manges ton œuf cuit. Il est un œuf dur, d'accord. Okay. Oui, exactement. Ouais. Et puis plus il sommeille dans le vinaigre, meilleur il est. Parce qu'il s'imbibe. D'accord. Et plus tu bois de bière, meilleur il est. Pourtant, j'y suis allé, j'en ai pas vu. Ben, si, non, mais c'est pas dans tout. Mais il faut vraiment que ce soit la taverne, la vieille taverne. Pas les nouvelles tavernes, là, que les trentenaires. Toi, je suis allé à Pouinegamouk, tu connais Pouinegamouk? Ah oui, ben oui, mais là, tu sais, loin. Ben ouais. Qu'est-ce qui se passait là pour toi? Ben, j'accompagnais un groupe d'enfants qui était sur le grand lac de Pouinegamouk. C'était vraiment sympa. Et toi, t'étais quoi? T'étais. J'étais directeur de. De troupe. Ben, joli. Oui. Directeur de la. De la Léance Balancée. Du groupe. Ah, tu oui, puis examiner, puis. Moi, du groupe, quoi, t'étais. On n'arrive plus à leur parler aux filles, hein. Ouais, mais je crois qu'elle n'était pas disposée. Non, non, je crois pas. Non, mais elles se font tellement emmerder dans les rues, là. Ah ouais, c'est clair. Ah, oui. Donc, t'étais quoi? T'étais guide? J'étais guide, ouais. J'étais guide, je les accompagnais, puis sur place, il y avait des guides déjà qui prenaient soin de. Alors, il y a plein d'activités le là-bas. Le guide de là-bas suivait le guide qui était français. Ouais. Okay. Alors, vous étiez guidé par un autre guide. Ouais, voilà, c'est ah, ça. Ouais, ben, c'est bien. Si tu étais une saison. Une saison, je serais l'automne, je crois. À cause de. L'automne, c'est que tu fais le ménage, tu te prépares, c'est une phase de transition. Tu te prépares à la mort. Non, tu. Parce que j'aime bien l'hiver, donc j'aime bien, il y a une espèce de. J'aime bien les feuilles, le rouge des feuilles, les feuilles qui tombent. À l'automne. C'est sublime. Mmh. Ah oui. C'est inspirant. C'est inspirant. Bon, après, dans la Bedaine, je parle du printemps ah ouais. Avec les vêtements des filles, justement, qui deviennent de plus en plus courts. Oui, mais ça, c'est le printemps, oui, exactement. Ben oui, ben oui, ça nous bondit, le regard nous bondit. Et, ouais. Mais surtout que l'automne, c'est bien parce que les feuilles mortes se ramassent à la pelle. À la pelle, oui. Bon, tu vois, j'ai pas trop changé. Hein. Alors, si tu étais un membre corporel? Un membre corporel... je serais... Je crois mes mains. Ok. Parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Ah oui, ben oui. Surtout le matin. Oui, jouer de la guitare, écrire, oui. Prendre un café. Oui. Si tu étais un membre de la. Un moment de la journée. Moment de la journée, ce serait 18h. L'apéro. Exactement. 18h, l'apéro. 18h aussi pour la création. Avec l'apéro. Avec ou sans. Mais je pense que c'est un bon moment de la journée, parce qu'on est dispo, on est à l'air. C'est plus frais aussi, quand c'est la canicule, c'est un peu plus frais. Hein? Ouais. Ouais. On respire un peu mieux. Voilà. La journée est passée, le stress est passé. Exactement, mais je réfléchissais, je disais le matin très tôt, je peux être très... Comme à l'heure où tu m'as... Ouais. Oui. Oui, bah voilà. Mais t'étais réveillé depuis quelle heure? Je venais de me lever et je pensais à toi très fort. Ah. Non, mais ça aide pas, hein? Non, ça aide pas à passer une belle journée. Ah, que c'est mauvais, que c'est très mauvais, c'est très mauvais. Alors, si tu étais un autre individu? Un autre individu, je serais... Est-ce que je serais une star connue? Alors, toutes les stars que je connais, que j'aime bien, sont mortes. Donc... Morte de vieillesse ou morte d'overdose? Mort assassiné. Bon, moi, j'aime bien Lennon. Lennon... Il avait des belles lunettes. Il avait des belles lunettes, ouais. Et puis il écrivait justement en rapport avec le spirit, là, tu vois. Oui. Ah, toi, t'es vraiment inspiré par le spirit? Bah lui, c'était... Par les fantômes, par le... Non, c'est ce qu'il disait, c'est, voilà, quand il écrivait, il y avait une fluidité, tu vois, il sentait qu'il y avait quelque chose de... Il y avait un rayon qui venait... Voilà. T'es constamment inspiré? Non, je suis pas constamment inspiré. Je peux être constamment déprimé, mais... Ah, oui, t'es un gars dépressif? Non. Okay. Non, mais j'ai des petits moments de... D'angoisse? De doute et d'angoisse. Comme à cause du métier que tu as choisi, qui n'est pas toujours... À cause du métier, parfois je me dis... Parfois tu te poses des questions, tu te dis bon... Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je vois des familles, mes amis, ils ont des familles, ils sont heureux... Tiens, le repas, ça. Non, ils semblent heureux. Ben oui. Ils semblent heureux. Et... Il ne faut jamais essayer de se placer... De regarder dans l'assiette du voisin. Ben, parce que tu ne sais pas de quoi c'est composé. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont l'air, comme tu as dit, ils ont l'air. Ouais. Mais est-ce que c'est la vérité? Peut-être que 3 semaines après, le divorce sera à l'ordre du jour pour ce couple. Ouais. Bon, mais après, on le montre jamais en public, hein, que ça, la zizanie est prise. Ouais, après, c'est moi, c'est dans mes histoires personnelles aussi. Okay. Mais là, c'est non, mais va pas plus loin parce que j'ai une question qui va toucher à ça. Ah bon? Oui. Donc, ça nous veut dire, ben, à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Voilà. Ah. Ah, hein, c'est quand même un lien. Ouais, là, tu... Je touche quelque chose. Ouais, je pense que je vais prendre deux whisky. Oui, d'accord. Si à choisir, je ferais le même chemin, bah, pour l'instant, je pense que, de toute façon, ça sera la réponse, ça sera oui. Mais peut-être avec des petites rectifications. Dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle? Personnelle. Personnelle, par rapport au choix, ouais. Est-ce que ton... parce qu'on a, bien sûr, une vie personnelle et une vie professionnelle, est-ce que c'est relié ou c'est juxtaposé? Ouais, c'est relié, ouais. Toi, c'est relié? Ouais. Un ouais, ou l'autre? Parfois, un ou l'autre? Ouais. Alors surtout au début, hein, tu penses que c'est le truc, ce que tu vis. Moi, j'arrivais pas à créer des chansons fictives, un peu comme Aznavour fait. J'habite dans un appartement avec ma maman. Ah ouais, ouais, ouais, tu ouais. Vois, non, ah moi, ouais. C'est, genre, j'ai vécu ça encore okay. Là, au Nouvel An. Quoique, peut-être qu'il l'a vécu, puis il l'a viré. On sait pas. Ben oui, comme ils disent. Hein? Ouais, voilà. Non, mais c'est le titre de la chanson, comme ils disent. Ouais, comme ils disent. Ouais, ouais. Mais il paraît qu'on vire pas. Ah, je sais pas. Non, on est comme ça ou on n'est pas comme ça, selon... C'est pas un choix. Je sais pas si sûr. Ah. J'ai des amis qui ont viré. Qui ont viré? Ben, ouais. Il était peut-être, puis ils se le refusaient. Ça doit être ça aussi. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Mais mieux vaut s'en rendre compte avant de se marier puis de faire des enfants, à mon avis. Les bébés dans leurs choux s'amusent comme des petits fous. Ils bondissent, vont bon train et se cachent les malins sous les feuilles de choux où la vie a rendez-vous avec eux, les bébés qui attendent d'être appelés. Les bébés dans leurs choux s'épuisent malgré tout. Ils s'endorment en bavant sur une feuille de chou blanc. Dans un ventre mou se réveillent tout à coup. La robe de Vénus, c'est la java du fœtus. Satan vient le chaud dans leur bulle de coco. Mais bien souvent les brigands commencent leurs étirements. Et hip hop ou flaboum, pousse-toi, je me retourne. T'as tes mains, t'as tes pieds, les mamans vont décoller. La vie, c'est un tel bordel que... Mmh. Mais ça va avec la société en général, ah c'est bah bien. Oui, voilà, exactement. Puis c'est ça, il faut accepter tout. Hein. Et dans ton travail de création, c'est comme un peu... Beaucoup, la majorité des gens dans ce milieu-là font album tourné, ou peut-être pas album concert, parce que la tournée peut rester parisienne. Là. Ouais. Est-ce que ça te prend toujours un album pour faire des spectacles? Non, pour moi, t'as vu, moi, je faisais des concerts, je mélangeais tous les albums. Mais là, ouais, j'ai plus envie de faire ça maintenant. Ouais. C'est nourrir un spectacle avec l'album, que les gens, s'ils ont vu un clip ou machin, voilà, qu'ils soient contents. Quoi. Est-ce que le disque que tu as déjà préparé, tu l'as chanté sur scène? Ouais, beaucoup, c'est des chansons que j'ai testées. Ouais. Et je sais que ça marche. Mais celle que tu trouvais hésitante là, ouais. Sur scène, est-ce que ça fonctionne bien? Elle fonctionne, alors ça dépend, elle fonctionne parfois oui, parfois non, ça dépend de la configuration. Mais j'ai les Qu'est-ce que tu veux dire par configuration ? Bah, par exemple, si c'est des scènes... ouvertes ou fermées ? La chanson française, il y a des... comme ces bars que tu connaissais, que tu as peut-être connu, le Limonaire qui a fermé. Ouais. C'est triste. Ouais. Quand tu jouais dans ce lieu, il y avait une écoute, je dirais l'écoute 100%, la musique 20%. Oh, mais les gens allaient voir, allaient entendre, allaient... Se nourrir allaient d'un texte. Vivre une expérience. Oui, exactement. Voilà, donc cette chanson, elle dit quelque chose. Hein. Bon, l'histoire, c'est... Donc c'est un mec qui veut quitter Paris, se dire que c'est en Bretagne, voilà, c'est le nouveau monde, enfin, c'est génial, le paradis, tout ça. Bon voilà, mais derrière il y a un truc un peu folk, un peu... Et je pense que ça rentre pas trop dans le... C'est okay. entre les deux. Ok. C'est pas une chanson à texte, et c'est une chanson un peu... Ça peut... chevauche un peu ouais. plusieurs... Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça chevauche plusieurs visions, plusieurs styles. Voilà. Donc c'est de là peut-être l'accro, selon toi. Là. Alors si je joue la chanson La Bedaine, qui a une tartine de texte, mais qui est très... que j'aime bien, je suis très fier de cette chanson. Si je joue au Limonaire ou à la Menuiserie, c'est le lieu qui... là, je sais que ça va marcher. Okay. Parce que le public qui va là-bas, ils veulent du texte, ils veulent du mot. Et prêt à entendre ça. Voilà, tu vois, ça, bon, c'est bien de savoir, parce qu'au début, je savais pas du tout. J'arrivais, je chantais des chansons. Voilà. Mais tu sais que c'est en côtoyant d'autres artistes qu'on se fait dire des choses, puis on grandit. Même le public nous le dit sans le dire. Quand ça applaudit pas, c'est pas bon signe. Ah oui, exactement. Ouais. Sauf en Asie. En Asie, c'est bon signe. Ah bon? C'est quand le spectacle est fini que les gens applaudissent. Ah d'accord, ça je savais pas ça. Non. Diane Dufresne, lorsqu'elle a fait une tournée là-bas, elle s'est dit après la cinquième chanson, non c'est un bide, mais elle a continué, à la fin de ses 28 titres, ça, les gens se sont levés, c'était... Là on lui a dit, ben oui mais c'est normal, c'est comme ça chez nous. C'est qu'on veut pas détruire l'environnement de l'artiste. Donc, pour eux, il faut être attentif, un peu comme une pièce de théâtre. D'accord, c'est génial, ouais. Quand tu vas pas voir... C'est respectueux, ouais. Exactement. Donc, c'est à la toute fin pour montrer que, OK, c'est terminé. Ah oui, bravo. Puis en même temps, il y a beaucoup de personnes qui savent pas quand c'est... Tu sais, des chansons un peu... on reprend, on arrête, on reprend. Puis c'est pas terminé, là, mais les gens s'imaginent que c'est terminé. Et là, le chanteur recommence, tout le monde. Oh, OK, c'était pas là. C'était pas le temps d'applaudir. Donc, ils ont réglé ça. Ils ont dit à la fin du spectacle. Mais c'est bien. C'est une bonne idée. Nous, on n'est pas prêt à ça. Puis j'espère que ça arrivera jamais. Parce que je trouve que c'est froid un peu. Ouais. Ouais, parce que. Parce bon, que ça voilà, permet à l'artiste de se surpasser. Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Moi, quand je sur la Bedaine, sur le petit live qui est sur Internet, donc je fais la chanson, c'est la première fois que je la faisais. Okay. Alors avec un texte pas possible, je dis oula, je vais me planter. Et en fait, j'entendais des personnes sourire, et petit à petit, ça m'a donné de l'assurance. Je me suis détendu, je l'ai fait jusqu'au bout, je me suis amusé. Tu vois. Alors c'est encourageant de voir qu'il y a quand même... Une discussion entre toi et... Oui, c'est le but, c'est et ça. Et c'est l'intérêt, quoi. Oui. C'est le but, c'est ben ça, oui, c'est ben de s'amuser, oui. Puis faire rigoler les gens, puis c'est pas de la branlette tu vois, devenir une vedette, tu vois. Oui. Mais toi, t'as-tu réfléchi sur le moment de la sortie de cet album-là? Ou il sortira quand il sera prêt? Du coup, je devais le faire là, je vais le sortir là, mais tu me parles d'audio... Galaxy, que je vais t'envoyer le lien. Du Galaxy, parce que c'est une question de budget, j'avais 17 titres à faire masteriser, tu vois, c'est quelque chose. Ouais. Là, je vais peut-être voir si ça tient la route. Et la pochette, j'ai fait... régler 2-3 trucs de mixage et après je le sors. Là je me dis là c'est mort, je vais pas le sortir là, je vais le sortir en septembre, tu vois, pour faire 2-3 concerts. Ouais, en plus c'est comme la rentrée de tout, hein, les livres, les disques. Voilà. Soit ça ou le mois de décembre pour Noël. Exactement, c'est ça, ouais. Puis je veux faire des clips, tu mets une petite image, ça te redonne d'actualité, ça booste le truc. Il y a la chanson I Love You. Ok. Tu veux dire en français? I love you, c'est dire je te sais. Ah oui, ah, ok. Ah, c'est bien. Mais écoute, c'est une chanson que j'ai mis aux oubliettes. Et en fait, c'est ma préférée dans l'album, là. Parce que, aux oubliettes qui était écrite depuis. Oh, ça faisait 3-4 ans, j'avais écrit. C'est une voisine qui était dans ma. Qui est partie maintenant, qui était dans mon immeuble. Et qu'on croisait, je trouvais vachement mignonne. Et puis, je dis exactement ça dans la chanson, mais c'est vrai. En fait. Donc, on se rencontre, on est au pied de l'escalier, tout ça. Puis, elle doit passer chez moi, tu vois. Chez moi, célibataire, gros bordel. allez, faut que je nettoie tout. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, comme, ouais, ça c'est classique, hein. Oui. La salle de bain, la douche, faut avoir l'air. Puis t'arrives, ouais, ça va. Ouais. Ouais, là, ça sent bon. Puis, oh, vous êtes propre, mon cher monsieur. Ben oui, voyons, ouais. C'est toujours nickel. Mais il y a une heure, c'était le bordel. Mais pour une fille, on serait prêt à faire n'importe quoi. Hein. On est con. C'est ça, mais c'est ça qui est. Ouais. Stimulant. C'est ça qui est génial. Ouais. J'ai rencontré une Américaine il y a. Une Américaine à Paris? Ouais. C'est le titre d'un film. Et on a passé un moment inoubliable. Enfin, oubliable pour elle. Ouais, peut-être. Pour moi, inoubliable, mais pour elle, je sais pas. Elle, c'est au suivant. Mais du coup, tu reparles anglais, ouais. Tu as envie d'aller habiter à Los Angeles, tu as envie de... Ah oui, ah oui. Puis elle a envie de se barrer. Ouais, c'est ça. Si on monte dans les tours, mais alors on serait prêt à... Oui, à jouer à King Kong. Ouais. Alors enfin. Donc, écoute, on va suivre de près ton actualité. On va diffuser tes chansons avec grande joie. Ça a déjà commencé avec un titre que j'ai trouvé sur YouTube et le son était radiodiffusable. Ah, c'est donc, lequel? Tu t'en souviens ou pas? Ça, c'était ton album de 2015. C'était mon chat? Non. C'était plus chanson française ou plus... Oui, ouais. Oui. 2015. Faudrait que je regarde. Elle a été diffusée 3 fois. L'année dernière, ben non, en 2016. D'accord. En 2016. En tout cas, je te le dirai, je t'enverrai avec Audio Galaxy le lien direct pour que tu puisses télécharger. Oui, comme ça, je me... Es-tu sur Mac ou sur... Mac. Ah, OK, il fallait... OK, parfait. Macintosh. OK, oui. Parce qu'il y a IBM puis il y a Macintosh sur le site. Donc, tu choisiras le... Ça marche. OK. Donc, est-ce que je peux prendre des photos pour, oui, bien pour sûr. La fin? Oui. Est-ce que tu veux qu'on se mette tous les deux? Ben c'est toujours oui, malheureusement. Avec le ukulélé? Ah ben oui, ah oui. J'ai quitté ma province pour venir à Paris. À Paris je me dis mince, faut que je trouve un abri. Je me suis mis en quête d'un appartement avec de la moquette et de l'eau chaude dedans. Je me voyais déjà dans le cœur de Paname, avec vue sur les toits, tranquille, peinard au calme. Mon rêve fut brisé dès mon premier rencard, quand j'ai visité ce damné placard. Il faisait 2 pas sur 3 pas et demi. Pour vous donner fissa, la superficie. Je sais qu'on est tous bons, qu'on a tous du talent, mais j'aimerais voir la tête de celui qui vit dedans. Je suis un être humain, je peux pas habiter dans une cage à lapins. Je veux voir l'horizon et le soleil sur mon balcon. Je veux du soleil sur mon balcon. Même si j'avais voulu de cette épave ambulante, je l'aurais jamais eu sans la stimulante. Il faut une bonne caution pour assurer les arrières. T'aimes pas les préventions, bah retourne chez ta mère. Dans mon tourment, je rencontre un ami. Il me dit, laisse béton pour les logements à Paris. Si tu veux pas finir à Walpé sous un pont, va voir le président pendant les élections. Je suis un être humain, je peux pas habiter dans une cage à lapins. Je veux voir l'horizon et le soleil sur mon balcon. Je veux du soleil sur mon balcon. Je veux du soleil sur mon balcon. Bonjour madame, je cherche. Enfin, je voulais savoir si l'appartement était toujours libre. Vous avez des garants, monsieur? Ouais, j'ai des garants. Vous travaillez? Ouais, ouais. D'accord. J'habite chez une copine, d'une copine à une copine. C'est un plan colocation, mais je dors dans le salon. Elle aime pas ma guitare, elle aime pas quand je rentre tard. Elle dit que je fais trop de bruit, que c'est pas bien vu par ici. Mais moi j'y crois encore, je peux conjurer le sort. Ma mère me dit souvent, il faut te battre mon enfant. Ensemble manifestons pour de meilleures conditions. Tous ensemble. Je suis un être humain, je peux pas habiter dans une cage à lapins.